En cette période de réjouissance, Construction Proco, qui se spécialise dans la charpente, structure de pont et revêtement, aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. Notre entreprise est très fière d'être impliquée dans la construction du nouveau pont dans notre secteur et remercie la population pour sa patience pendant les travaux. Construction Proco, une entreprise de notre région. Cahouette Thériault et Associés, c'est Sénat et greffe de Marcel Leblanc, Daniel Fortin et André Gendron, profite de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle ainsi qu'à la population. Et rappelle d'être prudent en ce temps de réjouissance. Pour tout besoin d'appâtage, contactez le 418-24-78 ou encore le 275-51-51. Section du club de golf de Chibougamau-Chaparay, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. On va parler de boxe. C'est la revue de l'année dans le monde de la boxe avec notre collaborateur Bernard Barré. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, avant tout, c'est l'événement de l'année en 2017. C'est pas nécessairement un combat de boxe. Oui, c'est un combat de boxe, mais c'est un combat de boxe entre un combattant d'arts martiaux mix et aussi un combattant de la boxe. 600 millions. Ouais, c'est... Ouais. Oui. 600 millions de quand tu regardes ça, de recettes. Incroyable, là. Ben, comme tu l'as dit, c'est pas un combat de boxe, c'est un événement. Fait que finalement, ça l'a comme attiré l'attention de ce combat-là, Floyd Mayweather, qui est allé chercher sa 50e victoire en 50 combats contre Conor McGregor, qui lui est une méga star de l'UFC. Et puis, à travers tout ça, ben là, c'était le cirque, là, le méga cirque hallucinant là, qu'on a vécu, là, où tous les gens étaient tout mêlés, puis ça va pas avoir pour finir. Ouais. Fait que finalement, ça s'est fini comme on avait prévu. Mayweather a laissé la chance à McGregor de travailler un peu, le montrer comme il faut, surtout qu'il concédait peut-être une vingtaine de livres à McGregor le soir du combat. Et puis là, quand il a vu que les gens l'avaient assez vu, ben là, c'est un petit peu plus tard dans le combat, mais au 10e round, s'en est débarrassé, puis dans le fond, la logique a été respectée. Il n'y a pas eu, puis là, ben, il y a toutes sortes d'histoires. Là. Tu sais, j'ai l'impression, regarde, il y a des rumeurs McGregor contre Pacquiao, Jean-Pascal ici qui dit « Je veux faire organiser un combat contre GSP ». Tu sais, on a organisé un combat, là, ça, c'est assez, là, on a assez vu, là, on passe un autre appel. Là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, là-dessus. Mais tu sais, c'est l'offre et la demande, ouais. Si l'argent est là, et si les gens veulent voir ça. T'sais, on a beau nous autres critiquer parce qu'on est des purs de la boxe et on dit que c'est ça cette affaire-là. Mm. Mais d'un autre côté, si les gens sont prêts à payer pour ça, si les commanditaires sont prêts à embarquer, ces gens-là ont fait des millions, des centaines de millions. Donc, c'est certain que la demande est là. Les gens y ont embarqué là-dedans. Donc, c'est habituellement, quand une recette va bien, il y en a d'autres qui veulent suivre, même si assurément, ça sera jamais aussi payant. Mais il y a quand même de l'argent là que tu peux faire rouler. Fait que on n'a pas fini d'entendre parler, là. Oh, puis ça, on va en entendre parler. Va-t-on voir quelqu'un va voir faire de quoi. OK. Bernard, sais-tu moi, il n'y a pas eu dans 2017 de gros combats sur la scène internationale. Avant de parler de nos boxeurs québécois, là, nos boxeurs, il n'y a pas eu de méga combats. Sais-tu moi, ben je l'ai. Ben là, toi, tu veux dire des combats internationaux? Ouais, c'est ça, il n'y a pas eu. Ouais, mais c'est sûr que le combat international qui s'est démarqué le plus, c'est Anthony Joshua qui est passé à Vladimir Klitschko knockout, la passation de pouvoir. Et ça, c'était vraiment ce qu'on peut parler là de combats, de gros combats de l'année. On a eu aussi Rung Vitae qui lui a battu Gonzalez, qui était considéré comme le meilleur super livre pour livre au monde chez les super mouches. Le meilleur, il l'a battu deux fois. Deuxième coup, il l'a passé knockout. Rung Vitae, c'est mon monde avec ça. Puis on a eu gros combat à Golovkin contre Alvarez. Là, tout le monde a resté surpris parce que tout le monde avait vu Golovkin gagner. Finalement, ça s'est fini par un combat. Golovkin, c'est vrai. Tranquillement, si on se met à en parler comme ça, c'est certain qu'on finit par en trouver là, que chez nous, bien entendu, Eléider Alvarez, la décision majoritaire sur Jean-Pascal. On peut dire que c'était le combat, là, le combat de l'année là, sur la scène québécoise. OK, OK. Vraiment, là, si on parlait un peu de nos boxeurs, Jean-Pascal qui a annoncé sa retraite. Au moment où on se parle, on a eu cette entrevue, moi, j'ai des gros doutes, puis j'ai repassé à la dernière entrevue que j'ai faite avec toi avant durant le combat Le Mieux Sanders. Tu disais, Jean-Pascal aime trop les spotlights. Il va revenir, il est encore trop jeune. Qu'est-ce qu'on fait 7, 8, 9 mois, 1 an qu'on entend d'autres parler? Puis maudit, je repensais à ça. Puis t'as tellement raison. J'ai l'impression que ça va être ça avec Jean-Pascal. Là. Ben, je vais pas changer d'idée. Ouais. Tu sais, Jean-Pascal, là, il s'est refait une santé là, sportive. Là. Premièrement, il est retourné dans le gymnase, puis il l'a dit lui-même. « Wow, j'avais le goût d'être là, j'avais du fun d'être là, j'aimais ça, j'ai retrouvé le goût de m'entraîner. » Puis en plus, ben là, il fait une performance extraordinaire contre El Bialy là-bas. Il bat, il n'est pas supposé de gagner. Il redevient, écoute, c'est un ancien champion du monde. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Ben, ça va finir qu'il va avoir une offre qui va être lucrative, avec beaucoup de zéros. Puis là, il va regarder ça. Puis comme tout le monde, il a des comptes à payer. Là, il faut qu'il gagne sa vie. Il a seulement 35 ans. Il est chez les Milo. Il n'est pas usé. Il a eu des durs combats contre Kovalev, mais il semble être remis de ça. Fait que moi, à 35 ans, là, c'est le bonheur pour annoncer sa retraite, plus particulièrement chez les Milo. Surtout que tu le connais très bien, tu sais très bien de quoi ben tu parles. On est assez longtemps dans la boxe pour savoir, tu sais, à un moment donné, les lumières commencent à s'éteindre. Le sport est moins fort là, quand tu arrives à quelque part. Mm. Eux autres, là, c'est des. Ces gens-là, là, ces boxeurs-là là, qui ont connu la gloire, puis que là, le vedettariat, puis le monde alentour, puis sa grenouille alentour. Mais là, tranquillement, là, quand t'es plus là, là, ben là, ça grenouille moins un peu, puis ça te dérange. Puis quand t'es encore l'âge pour embarquer, mais là, tu dis envoyer un autre coup. Donc, c'est les boxeurs qui sont pas bons, là. C'est comme moi, là. Moi, j'ai boxé amateur, je suis pas bien bon. Puis, tu sais, sincèrement, je suis rendu dans la soixantaine, des fois je prends une bière, puis. Je m'entraîne au gym nord où j'aurais goût d'en faire du sparring, puis j'aurais goût d'en faire un combat, puis je rêve à ça. Fait qu'imagine-toi eux autres. Imagine-toi eux autres qui ont connu la gloire, là, et puis qui ont le monde alentour, puis qui leur mettent de la pression. Hey, Jean-Jean, t'es-tu encore bon, t'es-tu encore bon? Il va revenir, c'est sûr. Parle-moi de. Par contre, il y en a un que j'ai beaucoup plus de doutes, c'est Lucien Moutet. Lucien Moutet, moi, je pense que Lucien, je pense qu'il a livré son dernier combat. Est-ce que je me trompe? Parce que. Tu veux dire un combat Bouté contre Pascal? Non, Lucien Bouté, je pense que lui, sa retraite, il est plus proche de la retraite beaucoup que Jean-Pascal. Ah oui, écoute, c'est possible. Écoute, c'est certain, Lucien Bouté, c'est pas sa classe, les Milo. Il est super moyen, déjà là, une classe en dessous, tu vieillis plus vite. Mais lui aussi, il est né en 80, Lucien Bouté, 37 ans. C'est sûr, ça commence à être plus fatigant, là, à 37 ans, 38 ans cette année, à début d'année. Donc, là, lui, c'est sûr qu'il est pas mal plus proche. Là. Donc, c'est possible dans son cas qu'on le voit. Lui, il est moins... Lui, j'ai des doutes. Ouais, lui il est moins de ce spotlight. Puis, il a moins des spotlights que Jean-Pascal. C'est ça. Oui, aussi. Mais là, comme je te dis, là, où je commence à... Ouais. Tu sais, entre 35 et 38, là, qu'il va avoir bientôt, là, je pense que c'est au mois de février, il y a une différence. Là. Tu sais, il y a une différence importante, là, je pense. OK. Le combat... David Lemieux, Billy Joe Sanders. Et moi, je me rappelle de Ross Amber. Quand David Lemieux avait perdu contre Golovkin, c'est une parole de Ross Amber, qui est un vieux sage de la boxe. Il avait dit, nos boxeurs sont bons, mais ils sont pas excellents. Est-ce que tu parles vraiment, là, est-ce que tu étais d'accord, chute au combat avec de Lemieux contre Sanders, ce que Ross Amber. Moi, je me suis rappelé de ça après ça. Mais écoute, c'est un mariage de style, là. C'est un mariage de style. Puis Sanders avait tout ce qu'il avait besoin pour pas être troublé par David Lemieux. David Lemieux, là, c'est un super cogneur. Il a du tour d'un, il peut coucher n'importe qui, mais il faut qu'il frappe le gars, là. Il a pas été capable en aucun temps de frapper Sanders flush, même pas une fois. Parce que Sanders, il est trop couleuvre, il est trop illusif, gaucher, il est avantagé, la grandeur, la portée, le jeu de pied, et puis finalement, il est à jamais dans le trou, puis il est arrêté dans la contre-attaque, comme je t'avais dit la dernière fois qu'on s'est parlé. Fait que ça a fait que finalement, David n'a pas été compétitif, il a bien essayé, il a tout donné ce qu'il pouvait, mais l'autre était juste trop fin, trop bon, trop illusif, trop brillant, puis David n'était pas capable. Et David, tu vas le mettre avec quelqu'un, tu vas le mettre avec d'autres aspirants mondiaux là, qui vont être face à face avec lui, qui vont s'échanger des coups. Il y en a qui vont tomber de maudite gang. va en faire tomber une game. Mais un gars comme Saunders, il se met pas à sa flou, là, Saunders, sa game à lui, c'était pas de ma... C'était de jouer avec le mieux, puis jouer dans sa tête comme il a fait pendant la semaine, puis de jouer sur le ring, puis c'est ce qu'il a fait. Il y en a un, 2007 a été l'année aussi d'Arthur Batabeff, qui lui est devenu champion du monde. Lui il a passé avec la retraite d'Underwear, et il en a profité, puis finalement, il est devenu champion du monde. Ben, il y a tout ce qu'il faut. Il a battu Carling, c'était relativement facile, là. Fini par le passer knock-out, mais c'est sûr que Beterbiev, il a ce qu'il faut. Il est fort, il est puissant, il est spectaculaire, il est actif. Donc, c'est un boxeur qui est physique. Et puis, c'était juste une question de temps avec des grands champions du monde, c'est fait. Et j'ai l'impression qu'il va être là un bon bout de temps. Ah oui, il va être là un bon bout de temps. Puis là, il y a trois Russes là, qui sont devenus champions du monde en 2 ans. Est-ce qu'on pourrait citer une espèce de tournoi en 2017 entre ces quatre Russes-là? Trois Russes-là? Sincèrement, je ne sais pas. Les associations sont très fortes, hein. Et puis les histoires de tournois comme ça, c'est pas nécessairement évident. Il faut que tu convainques tout le monde. C'est pas juste les boxeurs, là. Faut que l'argent soit là, faut que les associations trouvent leur compte par rapport à ça. C'est tellement un gros casse-tête rendu là, que quand tu réussis à organiser de quoi qui marche, tabarnouche, tout le monde n'en revient pas. Là. C'est parce que c'est tellement compliqué. C'est compliqué, mais compliqué, là. Je le vis, je suis là-dedans, puis il y a toujours un écueil à quelque part. Là. Si tu penses que tout est réglé, là, tu tapes des mains, le téléphone sonne, il y a encore un autre patron qui ne marche pas. Là. OK. 2017 a aussi été l'année d'Aldear Alvarez, qui, lui, est devenu aspirant obligatoire à Dennis Stevenson, puis tout indique encore une fois qu'il n'y aura pas une bagarre entre les deux. Alvarez, c'était quand même une bonne année pour lui. Là. Ben moi, je pense que c'était le boxeur de l'année au Québec. Écoute, quand tu parles Pascal, puis tu passes Bouté dans la même année, là. Ouais. Tu mérites ça, là. Puis il a gardé sa position de premier aspirant obligatoire. Fait que, sincèrement, moi, si j'avais à donner, à décerner le boxeur de l'année du Québec, je le donne à Eladar Alvarez à cause de ses deux performances. OK. Dernière, aussi, en 2017, André Ward a pris sa retraite. L'histoire va dire quoi d'André Ward? Ah, ben écoute, il était vaincu, ce gars-là, il a unifié les titres jusqu'à une certaine façon, à part à Dennis Stevenson, et puis c'est un phénomène, il a gagné le Super 6, il a gagné la médaille d'or olympique, puis on parle d'un grand boxeur, André Ward, là, d'un des grands, puis qui a fait une carrière, ce qu'on peut dire, intelligente, qui a fait beaucoup d'argent. Et puis, moi, j'ai toujours dit, c'est pas la première fois que je te dis, André Ward n'aimait pas ça tant que ça. Alors, a commencé à boxer très jeune, puis il n'aimait pas ça tant que ça, lui, boxer André Ward. T'sais. On le voyait plus, ça l'intéressait plus ou moins. Donc, moi, je pense qu'il a fait une carrière chez les professionnels intéressante, sortir invaincu, 32 en 32, 16 knockouts. Et puis, ça frise sur le Sunday. Il y avait eu un combat controversé contre Sergei Kovalev. Le monde avait dit, pas sûr, Kovalev devait avoir gagné. Mais quand il a repris Kovalev, le dernier coup, il l'a cassé en deux au milieu du combat. Fait que je pense que ça part bien. Là. Quand tu dis, je m'en vais, là, contrairement à Miguel Cotto, qui a perdu contre Saddam Ali dans un combat que ça se posait de l'apothéose parce que c'était le dernier de sa carrière, ben André Ward, lui, a mis la frise sur le Sunday contre Kovalev. Cotto aussi. Lui aussi, c'est un grand boxeur également qui prend sa retraite. Ouais, ben c'est une perte, Cotto, mais lui aussi a une grande carrière. Là. C'était champion du monde à plusieurs reprises. Bon, portoricain, agressif, une bonne claque, une belle boxe, un Olympien. Ça fait que ça, c'est une autre grande perte là, avec Vladimir Klitschko qu'on verra plus, puis Floyd Mayweather qui est parti pour la dernière fois. Bon, donc c'est des boxeurs qui sont disparus. Puis là, il y a Jean-Pascal, si tu restes, c'est pas vrai. Mais tu sais, on parle de boxeurs qu'en temps normal, on ne verrait plus, là. On se fie à ce qu'ils disent. Oui, effectivement. Décès également de Jack LaMotta en 2017. Oui, Jack LaMotta a battu 6 fois avec Sugary Robinson. Il l'a battu à une seule reprise. Mais lui, là, c'était comme Raging Bull, là. Tu sais, c'est effrayant. D'ailleurs, ils ont fait un film avec De Niro, Robert De Niro, qui faisait Jack LaMotta. Puis lui-ci, il ne faisait pas dans la dentelle, là. Jack LaMotta, sa carrière, c'était, il embarquait sur le ring puis il tapait gueule au grand face. Donc, tu pouvais pas t'ennuyer. T'sais, d'une certaine façon, Jack LaMotta, c'est un Arturo Gatti. Là. Tu pouvais pas t'en aller voir la boxe ce soir et penser que ça pourrait être plate. OK. Bon, on fait une pause et je vais te demander qu'est-ce que tu prévois pour 2018 sur la scène de la boxe québécoise. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Bernard Barré, la revue de la boxe 2017 sur les ondes de danazosport.com. Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaitent joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 2921 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au 418-276-58. Merci Martial Bouchard, président du club de golf Lac-Saint-Jean. Il me fait plaisir, au nom de mes collègues du conseil d'administration et de tous les membres du personnel, de vous souhaiter une magnifique période des fêtes et une année 2018 remplie de santé et de succès. Profitez de ce début d'année pour ajouter une nouvelle saine habitude de vie à celle que vous avez déjà. Monsieur Ghislain Lamotte et tout le personnel de construction Unibec remercient sa clientèle et vous souhaitent une très belle période des fêtes. Construction Unibec, c'est un entrepreneur général qui œuvre dans le domaine de la construction résidentielle, commerciale et industrielle. C'est aussi un moteur économique pour Dolbeau-Mistassini avec plus de 125 employés. Construction Unibec, 1041 rue des Peupliers, Dolbeau-Mistassini, 418-276-4140, www.unibec.ca. Et profite de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes et vous incite à la prudence pendant ces moments de grande réjouissance. Dolbeau Auto au 1770 boulevard Wahlberg à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-0580 et n'oubliez pas également de consulter notre page Facebook. On est de retour à danazosport.com. Bernard, on vient de parler de 2017. 2018, c'est une transition. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour la boxe, tant québécoise qu'internationale? La boxe québécoise, tu sais, on a eu des Lucien Boutet, des Jean-Pascal, David Lemieux qui ont vendu la boxe. Et là, on va porter le flambeau. On va donner le flambeau peut-être des Yves Ulysse, des Simon King, des Stephen Butler. Est-ce que c'est d'accord? Ouais, des Cassio Clayton, Christian Billy, des Oscar Rivas, des Maguire Picard, des Lafrenière, des Basignan. Donc, t'en as une gang, là. On n'est pas dépourvus, là. Il y en a plusieurs qui montent, qui sont là, puis qui vont en continuer à nous donner de bons shows. Moi, je m'attends en 2018 qu'on parle beaucoup plus de boxe féminine aussi, là. On a l'Irlandaise, qui est championne du monde, elle a seulement 8 combats. Clarissa Shield, Nicolas Adam, qu'on a vu à Montréal, qui est elle aussi olympienne, médaillée d'or, double médaillée d'or, Clarissa Shield aussi. Tu sais, c'est toutes des filles qui, à cause de leur exploit olympique, vont attirer beaucoup les projecteurs et puis qui vont mettre la boxe féminine plus vers l'avant, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à date. Mmh. Et à date, on a eu là des quelques-unes là qui ont sorti du lot, puis ont tenu ça à bout de bras, mais c'était fragile tout le temps. Alors que là, c'est sûr que celles qui arrivent là, c'est des vrais de vrais. Là on parle, là, on est dans le sérieux pas mal. OK. Est-ce que Arthur Beterbiev va sûrement se rebattre en combat de championnat du monde? David Lemieux, je pense que c'est un recul. Est-ce qu'il faut s'attendre également à Dennis Stevenson? On n'a pas parlé de Dennis Stevenson, mais c'est... Ça va être un combat comme Badou Jack, tout semble s'en aller vers là? Ben là, écoute, ça change à tous les jours. Ce que je te dirais aujourd'hui, demain, ça serait plus bon, j'aurais mieux pas parler. Ça fait quoi, 3-4 mois qu'on est un sable mouvant, là, tout le monde, là, avec ça. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir à un moment donné une annonce qui va être faite. Est-ce que ça sera le combat tant entendu entre Stevenson et Alvarez ou, comme tu l'as dit, un switch quelconque, encore une fois? Mais ça, c'est la télé américaine, là. Ouais. Puis c'est celui dans le moment qui a le plus, là, qui il fait peut-être pitié un peu pour tout le monde, mais c'est lui qui est en meilleure position. Alvarez. C'est Lader Alvarez, okay. Parce que lui, là, la grosse carte est là dans son jeu en cibole. Ils sont obligés de passer par lui. Mm. Puis lui, il peut dire oui, puis il peut dire non. Puis s'il peut dire oui, mais mettez les gros le gros paquet d'argent sur la table. Là. Fait que tu sais, c'est vraiment lui qui va décider, qui va avoir le point final dans l'histoire. Mais puis, dans toute sa carrière, moi, je t'annonce que jamais, Eladel Alvarez va avoir une meilleure position qu'il y a dans le moment là pour négocier là, l'offre et la demande. Il est dans une position exceptionnelle de faire bien de l'argent. Oscar Rivas, est-ce que c'est... dans le cas d'Oscar Rivas, est-ce qu'on peut le voir en combat de championnat du monde? Ben là, il vient de se battre en France. Il a gagné son combat la semaine passée. Sur la même carte, il y avait du Opas, qui est dans le top 10 mondial, le Sud-Africain. Et là, là-bas, ben on a parlé d'organiser un combat en du Opas et Rivas en France. en début d'année 2018. Donc, est-ce que ça va se concrétiser? Mais là, c'est certain que lui, s'il va en France, puis il va du haut passe, puis il pogne une place dans le top 10 mondial, ben là, ses chances vont être là, là. OK. Ben, Bernard, ce qui me reste, c'est de te souhaiter une bonne année, beaucoup de santé, de bonheur, et encore de gros galas de boxe. Puis encore une fois, merci de ta collaboration en 2017. Ben, t'es bien gentil, Danny, puis la même chose pour moi, puis la même chose à tous nos éditeurs qui nous écoutent depuis des années. Ça fait plusieurs années qu'on est ensemble. Puis tous, 10 ans déjà, hey, ouais. On dirait que j'ai fait la première avec toi, il y a ce bon passé. Bon, fait 10 ans, mais moi, je veux juste souhaiter une chose, juste une, la santé, le reste, on va s'en manger. Effectivement. Bernard Barry, notre collaborateur de boxe.